Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et avec moi encore ce soir, mon co-animateur préféré et le seul que j'ai, Marc Bouchard. Salut Marc! Tu sais que c'était pas absolument nécessaire de rajouter ça, hein? Je sais, mais c'est juste le fun. Ouais, mais ça me faisait plaisir de penser que j'étais vraiment le préféré, mais c'est correct. C'est correct. Moi, je me retiens, je suis poli. Alors, je dirais pas des choses comme ça. On va dire des pires, par exemple, si tu me laisses la chance. C'est beau, mais tu restes mon préféré pareil, Marc. Bon, ça va, je sais que t'es à Vancouver, il y a un décalage horaire et tout ça. T'es là pour faire quoi, finalement, à Vancouver, là? En fait, je suis venu essayer la nouvelle Toyota Prius 2016, OK. celle qu'on a dévoilée récemment. Alors nous, on vient de faire quelques randonnées là, le long de la côte ouest. Particulièrement intéressant, je te dirais, comme expérience. OK, donc on va parler de ça un petit peu plus tard. On va avoir aussi Benoît Campeau cette semaine qui va venir nous parler d'assurance. Puis on va vous parler, moi je vais vous parler de la Kia Optima 2016. Puis après ça, on va avoir un petit peu de nouvelles et tout ça, là. Donc une émission encore bien chargée pour cette semaine. Je vais commencer avec, m'a commencé assez rapidement avec mon essai de l'Optima. Je ne sais pas si Marc, toi, tu avais été l'essayer, toi, au Colorado, si je me rappelle bien, l'Optima. Effectivement, je suis allé au Colorado et ça a été, ben écoute, c'est ça que faut que je le dise en partant. Moi, la Kia Optima, quand on l'a lancée il y a quelques années, c'était ma Kia préférée. OK. On se rejoint là-dessus. On l'a réaménagée. Honnêtement, j'aurais souhaité quelque chose de plus cool que ça, mais. C'est quand même un bon véhicule. Mais là, je vais te laisser y aller. Tu l'as conduit probablement plus longtemps que moi, je l'ai fait. Ouais, je l'ai eu une semaine complète. Moi aussi, la Kia Optima, là, je l'ai déjà écrit dans un article sur Kijiji. C'est une de mes berlines préférées, même que je l'ai classée comme deuxième. Juste un petit peu en arrière de la Mazda 6, qui pour moi est un tout un peu plus. Tu sais, le tout de la Mazda 6 est un petit peu mieux que le tout de l'Optima, juste côté agrément de conduite et tout ça. Pour le reste, le look et tout ça, j'aime beaucoup l'Optima. Les changements, tu l'avais essayé quand tu avais été l'essayer au Colorado, tu avais posté quelques photos, puis j'avais eu de la misère un peu avec la grille de calandre en avant. C'est encore le cas, mais ça s'est atténué un peu au fur et à mesure que je la conduisais avec le temps, là. Je veux dire, les changements extérieurs sont vraiment minimes. Moi aussi, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus prononcé, peut-être, côté changement. Mais je pense que chez Kia, on est rendu aussi un peu au point que Toyota et Honda étaient il y a quelques années où on veut pas trop faire de changements brusques parce que on veut pas nécessairement choquer la clientèle qu'on a peut-être gagnée, tout ça, puis peut-être qu'il y a une petite crainte de faire un changement trop drastique qui ferait que les gens peut-être laisseraient tomber pour aller voir d'autres choses. Donc on est Ben, peut-être un petit peu je suis obligé de prudent. mettre un OK. bémol là-dessus, Luc, parce que moi, je pense qu'il faut se rappeler de où Kia est parti. Tu sais, Kia, quand ils ont lancé leur voiture, là, quand Peter Scheuer est arrivé et qu'il a dessiné la Kia Soul, entre autres, on partait de très, très, très, très loin. Hein? Oui. Hein, là, l'ancienne Sephia, c'est assez pour donner des cauchemars à tout le monde. Donc, quand ils ont lancé ça, ils ont mis l'Optima là-dedans et depuis, ils ont comment, pourrais-je dire, raffiné un peu tout ce design-là, et ils en ont fait quelque chose d'assez homogène. L'Optima détonnait encore un peu par rapport à cette homogénéité-là. Là, on l'a plus rentré dans le moule des autres, en attendant de la redessiner au complet. Et moi, je pense que la prochaine étape, ça va être pour Kia, aussi important que ça l'a été pour la dernière. Donc, on va vraiment, je pense, créer un nouveau design. On n'a pas le choix. Peter Schreier s'est fait une renommée avec ça. Et je pense que c'est là qu'on va en être. Alors, oui, tu as raison. On n'a pas trop modernisé celle-là. Mais c'était pas par crainte de perdre des gens. Moi, je pense que c'était par souci d'attendre un peu avant de créer une toute nouvelle Optima qui va avoir une nouvelle plateforme aussi, là. Donner un grand coup, peut-être, c'est ça, la ramener dans le design là, des autres véhicules qui sont sortis depuis ce temps-là, puis faire quelque chose d'homogène un peu, puis après ça, recommencer le cycle avec une nouvelle Optima, puis après ça, redesigner le reste à partir du nouveau design de l'Optima, un peu ce que Mazda a fait avec le design Kodo, là. Fait que Effectivement, repartir comme ça. ouais. Ils ont quand même, faut quand même préciser que la nouvelle Optima, ils ont changé quelques trucs là. Ils ont allongé l'empattement un petit peu, par exemple, d'à peu près 10 mm. Ils ont élargi la voie avant. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait une voiture qui, quand tu la regardes de face, qui a l'air un peu plus assise. Elle est comme plus musclée un peu aussi. Ça lui fait du bien. Je pense que ça, c'était des petits détails qu'on est allé chercher qui sont quand même intéressants. Mais t'as raison pour la grille de calandre. je suis tout à fait d'accord avec toi. La Calandre de la Kia Optima, c'est pas exactement la plus grande réussite de l'année. Et d'ailleurs, quand on l'a essayé, nous autres, on s'est fait regarder en se faisant dire, je suis pas sûr que c'est nécessairement une bonne idée, non. Non, c'est ça. Ça ressemble un peu à ce qu'ils ont fait avec le Sorento comme grille, mais sur un camion, je trouvais que ça allait bien sur une voiture. Peut-être un petit peu moins. Mais c'est vraiment la seule chose qui accroche. Pour le reste, je veux dire, les changements de design extérieur, comme c'est un peu minime. Il y a les phares qui ont changé. Il y a les feux arrière aussi qui ressortent un peu plus. Moi, j'ai été chanceux parce que mes beaux-parents ont une Optima 2015. Fait que quand j'ai mis la 2016 dans mon entrée, mes beaux-parents sont mes voisins. Fait que je voyais les deux d'un côté de l'autre, puis je pouvais spotter un petit peu les changements rapidement. Puis j'ai vu, tu sais, c'est surtout les phares et les feux arrière qui ont changé. Pour le reste, il n'y a pas de grosse différence. L'intérieur aussi a été changé. C'est un petit peu plus sobre. C'est un petit peu, tu sais, le design est beau, les sièges un petit peu avec un look capitonné. Je trouve ça, c'est joli. Mais tu sais, les changements à l'intérieur encore, c'est un peu tranquille. Quoi qu'on a. On a un peu épuré, là. C'est beaucoup plus pur. Les lignes sont beaucoup plus belles. Je veux dire, le restant pour le reste. On a beaucoup insonorisé l'intérieur aussi. J'ai trouvé que c'était plus silencieux quand on conduisait que les générations précédentes. Donc, c'est un plus. Ils ont aussi changé les matériaux, hein. C'est Ça a ça. joué pour beaucoup aussi parce que on avait avant beaucoup de plastique dur un peu partout. Ce que ça faisait, c'est que ça amenait des craquements, des bruits de caisse et autrement. Là, Ouais. on a mis des matériaux beaucoup plus souples. On a modifié l'affichage. Donc, je pense que ça contribue aussi là, à insonoriser un peu plus l'habitacle. C'est ça. Côté motorisation, on a sensiblement les mêmes moteurs. Il y a un nouveau moteur qui s'est greffé, là, qui est un 1,6 litre. Mais côté moteur, moi j'avais le moteur turbo. Puis j'ai même si on a un peu moins de puissance, j'ai pas trouvé que ça paraissait nécessairement dans la conduite. La conduite est peut-être un petit peu plus précise que l'ancienne. On est encore sur une direction électrique. Puis les directions électriques, des fois, c'est un peu flou, là, chez certains constructeurs plus que d'autres. Moi, j'ai pas trouvé que c'était dérangeant. Je trouvais que ça faisait un bon travail, là. Fait que j'ai pas moins aimé la nouvelle Optima que l'ancienne. Je trouve que ils ont fait un bon travail pour, bon, t'sais, redorer un peu la voiture et donner un look un peu plus moderne, s'en aller, comme tu dis, jusqu'à la prochaine version qui va être t'sais, redessinée avec une nouvelle plateforme, puis probablement qu'on va partir de là, puis on va s'en aller vers t'sais, les prochaines générations de Kia. Mais t'sais, Kia qui a un autre produit solide, un autre produit qui est joli, je veux dire, l'Optima, pour moi, c'est une des berlines qui a le look le plus sport de sa catégorie, là. C'est vraiment joli. Côté consommation, ouais. Juste te dire que tu as passé vite un peu sur le moteur 4 cylindres 1,6. C'est un autre petit moteur turbo dont il faut parler, hein, parce que c'est ça la grande nouveauté cette année. Le plus petit moteur, écoute, c'est 178 chevaux. C'est évidemment le moins puissant de la gang. Ouais. Mais honnêtement, par rapport aux 2 litres turbo que toi, tu as essayé, il n'y a pas tant de différence que ça. Nous, quand on l'a essayé, évidemment, c'était, bon, tu l'as dit, c'était au Colorado, c'était dans les montagnes, c'était un peu compliqué. On était à 10 000 pieds dans les airs, là. Et les moteurs turbo souffraient un peu du manque d'oxygène, mais dans les faits, il s'est montré extrêmement nerveux, très intéressant, et en plus, il était jumelé à une boîte 7 vitesses, une boîte automatique 7 vitesses à double embrayage. Honnêtement, une boîte qui est très, très rapide en réaction. Honnêtement, ce petit moteur-là m'a beaucoup impressionné. C'est sûr que, écoute, c'est pas avec ça que tu vas faire des courses puis tu vas perdre ton dentier sur le banc dans l'arrière, là. Mais c'est quand même super intéressant et on a réussi à faire une consommation qui était très, très intéressante aussi. Eux annoncent entre 6,1 et 8,4. Évidemment, nous, on a fait un peu plus que ça. Mais comme je l'ai dit, on était dans les routes de campagne. Toi, avec le moteur turbo, quel genre de consommation t'as enregistré? Moi, j'ai fini avec 8,1. Ce qui est excellent. Ouais, il annonce entre 11 et 7,7, là. Puis moi, c'est combiné autoroute égale trafic souvent, puis des choses comme ça. J'ai fait 8,1. Même l'Optima de génération précédente était côté la grosseur de voiture et tout ça, la consommation est très très bonne, là. Fait que 8,1, moi, je trouve ça excellent, là. Effectivement, c'est un très bon choix. Et puis, comme tu l'as dit, ben on a surtout modifié les groupes d'options aussi pour celle-là. Toi, tu avais la version turbo, je sais pas laquelle tu avais, est-ce que tu avais la version tech ou pas? Moi, j'avais le SX, SXL. SXL, c'est ça. C'est un peu compliqué parce qu'ils ont nommé, ils avaient nommé toutes sortes de DAS, ça a donné lieu à des changements. Parce qu'au début, il y avait une version qui était la EX Tech. parce que elle s'appelait Tech parce qu'elle avait un ensemble de systèmes embarqués, là, genre un bon système Harman Kardon, plus tous les systèmes d'aide à la conduite, là, tu sais, détection d'angle mort, régulateur de vitesse et tout. Finalement, ils l'ont changé parce qu'il y avait un autre LX Tech qui, elle, avait un autre moteur, donc quelque chose d'assez particulier. Écoute, il y a une gamme de versions, il faut vraiment faire le tour. Faut vraiment magasiner comme il faut, il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Ah, c'est ça. Puis la technologie quand même de base, vous allez avoir une voiture qui est quand même assez bien équipée. Il n'y a pas de transmission manuelle dans l'Optima, fait que vous allez avoir une transmission automatique et tout ça. Ça vaut la peine d'aller la voir. Oui. Puis écoute, en termes de look, c'est toujours, on le dit, même si les changements sont un peu discrets, c'est, je dirais, une des berlines les plus intéressantes, effectivement, de toute la catégorie. Ce qui fait que, comme la Mazda 6, malheureusement, c'est pas la plus vendue. C'est pas parce que nous, on trouve qu'elle est intéressante que nécessairement elle se vend beaucoup. Non, c'est Alors, faut ça. dire qu'en termes de prix, elle a déjà été plus compétitive. Actuellement, elle est correcte, mais sans plus. Donc, évidemment, je pense que, ben, toi, tu l'as eu une semaine. Moi, j'ai apprécié le confort aussi de la voiture. J'ai apprécié la maniabilité de la voiture. Je ne sais pas, comme je te dis, je trouvais les suspensions un peu dures. Par contre, peut-être que pour une semaine et pour plus, ça me dérangerait, mais pour l'essai que j'en ai fait, pour moi, c'était parfait, là. Moi, j'ai pas trouvé trop dur, mais encore là, j'ai mis une suspension, moi, personnellement, un petit peu plus dure que trop molle ou que tu sens rien. C'est sûr qu'il y a des limites, là. Mais bon, non, je l'ai pas trouvé désagréable. Peut-être que j'ai pas eu de route, exécrable non plus, là. Les routes sont quand même assez belles dans le coin. Donc, c'est peut-être pour ça que je l'ai moins remarqué, là. Mais j'ai des voitures qui m'ont brassé pas mal plus que ça. Si je pense à la Cura RLX que j'ai eue pendant le temps des fêtes, ou quand j'ai passé un dos d'ange, j'avais l'impression qu'elle voulait me sacrer sur le banc en arrière, là. Ça, c'est quand même pas mal mieux. Donc c'est ça. Donc, ça fait pas mal le tour. Si vous cherchez une berline de cette grandeur-là, là, moi, je vous conseille fortement d'aller la voir. C'est comme on dit, moi et Marc, c'est une de nos berlines préférées. Donc, ça doit vouloir dire quelque chose. Une de nos berlines préférées. Ça doit vouloir dire quelque chose. Effectivement, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher. Parfait. Alors maintenant, on reçoit Benoît Campeau qui va venir nous parler assurance. Benoît, tu veux nous parler d'un sujet chaud ces temps-ci? Uber. Effectivement, Luc, depuis quelques jours, on entend de plus en plus parler des services de taxi Uber. Donc, je voulais prendre le temps d'expliquer un peu quels sont les impacts, quelle est la répercussion de quelqu'un qui décide de prendre cette voie-là, pas comme passager, mais comme conducteur avec son véhicule, puis en fait, de voir le connaître la version des assureurs par rapport à ça. OK, c'est bon. Donc, en gros, tout le monde a entendu parler des services de raccompagnement ou de covoiturage Uber. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que dans la pratique, du point de vue même des assureurs, on ne parle pas ici de covoiturage, on parle vraiment de taxi. La raison pourquoi on a une définition différente de ce que les gens peuvent penser, c'est que le covoiturage, en fait, c'est deux personnes qui prennent le même moyen de transport, le même véhicule, pour se rendre au même endroit. Donc, on n'a à ce moment-là pas un échange d'argent. On parle vraiment d'un service qui est rendu entre deux personnes. Là où ça devient plus complexe avec Uber, c'est que ce n'est pas deux personnes qui se connaissent, ce n'est pas deux personnes qui s'en vont au même endroit, et il y a un échange d'argent qui se fait entre les deux. Donc, dans les faits, c'est du taxi. OK. Ouais. Ça, c'est C'est une différence assez marquée. effectivement. La deuxième des choses, Question, c'est... Benoît, avant d'aller plus loin. Oui. Tu dis que c'est du taxi au nom des assurances. Pourquoi on n'est pas capable d'avoir cette même définition-là quand vient le temps de justement de lutter contre Uber? Actuellement, on sait l'Association des chauffeurs de taxi veulent rendre Uber illégal et disent on n'est pas capable au niveau de la réglementation de prouver que ce sont des taxis. Vous autres, en assurance, vous êtes capable de le faire. Est-ce qu'il y a une différence de réglementation entre les deux? Ben, en fait, on est sur deux bases de réglementation différentes. Si on le regarde au niveau du gouvernement, au niveau du ministère des Transports, ben, il y a une zone grise où, justement, eux le considèrent encore comme une forme de peut-être de covoiturage. Mais si on regarde au terme d'une police d'assurance, la définition est claire. Tout transport de personnes pour des raisons pécuniaires est considéré comme du taxi. C'est clair comme ça, c'est marqué dans le contrat d'assurance et le taxi est prohibé sur la formule d'assurance automobile au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser la même réglementation parce que de un, on est sur deux plateformes différentes et sur le deuxième, qui est les assureurs, c'est clairement indiqué déjà au contrat d'assurance. C'est tout simplement comme ça. OK? Donc, l'autre chose aussi qui est à mentionner, c'est que justement, on est en zone grise par rapport à la légalité de tout ça. Si on le regarde au niveau de la SAQ, ben, on est dans l'illégalité. Les gens qui se font prendre à conduire ou à offrir le service Uber, bon, vous le savez tous, on l'a déjà vu, ils se font saisir leur véhicule. Maintenant, Uber va dédommager ou va même payer les frais d'amende, mais ça demeure quand même que la personne est en infraction. Puis, si on le regarde du côté assurance, un contrat d'assurance ne peut être valide si on est en présence d'illégalité. Donc, les activités que l'assuré va entreprendre avec son véhicule doivent être légales. Ça, c'est une chose à prendre en considération aussi. La répercussion de se faire prendre par l'assureur en étant chauffeur Uber avec son véhicule, peuvent être beaucoup plus grandes qu'on le pense. Je vous donne un exemple bien simple. Vous avez un accident alors que vous êtes en train de faire une course Uber et l'assureur s'en rend compte, soit parce que il y a un rapport de police à cet effet-là, ou même votre passager est blessé puis lui décide de vous réclamer un dédommagement parce que bon, il a été blessé, il a perdu des jours de travail, tout ça. L'assureur peut entreprendre des démarches contre vous qui vont être quand même assez importantes. Peuvent aller même jusqu'à annuler votre police de la date d'émission, sachant que vous étiez en train de faire une activité qui était proscrite au niveau des termes de l'assurance. Bien entendu, suite à ça, il y a une série de choses qui vont faire en sorte que dans le futur, obtenir de l'assurance automobile va être problématique. Parce qu'on pose toujours la question en assurant quelqu'un, est-ce que un assureur vous a déjà résilié dans le passé? Donc, vous allez avoir l'obligation de dire oui, parce que c'est un contrat de bonne foi, hein, faut s'entendre. Ouais, mais si la personne ne serait pas de bonne foi et dirait non, est-ce que l'assureur ferait des recherches pour voir que l'assuré a menti ou normalement ça passe puis il y a rien qui. Je sais que c'est comme te tirer dans le pied en répondant à la question là, mais ça reste que t'es toujours mieux de toujours dire t'sais, ce que t'as fait à ton assureur plutôt qu'essayer de le cacher puis de te faire prendre à un moment donné, mais bon. Écoute, il y a deux méthodes qui sont parfois utilisées. D'un, il y a l'inscription au service antifraude des assureurs. Dans une situation comme celle-là, le titulaire de police fautif pourrait être inscrit à ce service-là où tous les assureurs ont accès. Et la deuxième, d'une manière aléatoire, faire des vérifications. Ça s'est déjà vu dans le passé. Donc, est-ce que ça se fait de tous les cas? Non, c'est certain. Est-ce qu'on veut prendre la chance de mentir et de se faire découvrir? Non plus. Donc, ça, c'est une chance à prendre, tout simplement. Ouais, c'est comme n'importe quoi, là. Moi, je retiens quelque chose dans ce que tu viens de dire, cependant, Oui. c'est que le passager peut poursuivre le conducteur. J'étais sous la fallacieuse impression qu'on était dans un régime qu'on appelle le no fault, donc il n'y avait pas de responsabilité eu égard à la faute, et qu'on ne pouvait pas poursuivre pour des considérations de cette nature-là personnelle, des blessures personnelles, par exemple. Ben, en fait, Marc, le no fault va s'appliquer aux dommages matériels entre véhicules, ce qu'on appelle dans les termes francophones la convention d'indemnisation directe. Autrement dit, chaque assureur va payer pour les dommages de son assuré. Dans ce qui nous concerne, si on parle de dommages corporels, C'est encore là, c'est la SAAC qui va prendre la relève parce que c'est un accident qui se produit au Québec, puis fort probablement dans un véhicule qui est immatriculé au Québec. Ça fait partie des règles pour se faire prévaloir de l'assurance sur les dommages corporels au Québec. Okay? Maintenant, pour ce qui est de la poursuite, il n'y a rien qui l'empêche. Si la personne a subi des dommages autres que corporels, faut pas oublier que c'est un service professionnel que la personne offre. C'est une entreprise, donc la poursuite, elle est disponible. Sauf que c'est pas l'assureur du conducteur qui va prendre fait et cause, parce que, encore là, c'est pas une assurance taxi. L'assurance taxi va pouvoir le faire. C'est une assurance qui est spécifique et ça prend les permis, ça prend la réglementation qui va avec. Donc, la poursuite demeurerait possible, mais se ferait directement, par exemple, aux petites créances. OK. Mais ça reste que tu pourrais te ramasser à payer pour dédommager quelqu'un qui était ton passager. Exactement. OK. Ouais, c'est un pensée-y bien, ça aussi. Oui, absolument. Puis il n'y a pas un assureur qui va défendre la cause. C'est certain. Il y a toutefois un assureur qui s'est prononcé dernièrement sur la possibilité d'offrir une couverture pour ça. En Ontario, il y a un projet pilote qui a commencé dernièrement, avec Aviva, quand même un assureur d'excellente réputation, qui ont émis la possibilité d'offrir la couverture pour les chauffeurs Uber, mais avec beaucoup de restrictions. Par exemple, un nombre d'heures maximales qui peut être fait dans une semaine. Un rayon d'action bien précis. Donc, la personne n'aurait pas le droit, par exemple, d'aller dans un quartier en particulier ou d'aller au centre-ville de Toronto. Donc, ils sont en train de mettre sur pied un programme comme celui-là qui donnerait la possibilité aux chauffeurs d'acheter une garantie supplémentaire qui leur donnerait le droit de le faire. Mais ça reste en Ontario. Le Québec s'est pas prononcé là-dessus, du fait qu'en partant, on ne sait même pas si le gouvernement va accepter ou non que Uber soit, on peut dire, légalisé. Ouais, ça a l'air d'être long, leur affaire. Il y a beaucoup de monde qui en parle, puis il n'y a pas grand monde qui bouge, on dirait, au gouvernement. Oui, ça c'est une question de. Il faut pas oublier que le milieu du taxi est très fort sur le lobbying là-dessus. Puis il y a les permis qui sont excessivement dispendieux. Jusqu'à dernièrement, on parlait de quoi? 200 000, 250 000 $ pour un permis de taxi. Non, il y a des gens qui hypothèquent leur maison pour être capables d'aller chercher un permis de taxi. C'est leur vie, là. Pour certains chauffeurs de taxi, c'est leur fonds de pension. C'est leur retraite, leur permis de taxi, parce qu'ils pensent leur vendre à leur retraite puis être capables de récupérer de l'argent là-dessus. Mais je veux dire, si Uber commence à venir puis à tout ramasser, puis à rendre ça tellement facile de faire du taxi, ça s'en vient compliqué pour les chauffeurs de taxi qui ont payé ça puis en bonne et due forme, là. Exactement. Donc, pour résumer, si on peut le voir comme ça, au Québec actuellement, du point de vue assurance, Uber à ne pas faire, parce que les répercussions vont être une annulation d'une police, la difficulté de se retrouver de l'assurance après, et naturellement des pertes qui seraient malheureusement pas payables par l'assureur. Donc, c'est ce qui est important de retenir à ne pas faire. Si vous voulez l'utiliser, vous avez beau, mais si vous décidez de le faire comme conducteur, ben, je vous le déconseille fortement. Il y a des gros avantages parce que tu peux te faire un peu d'argent, mais il y a des gros inconvénients si jamais par malheur il t'arriverait quelque chose. Mais Exactement. même comme passager, tu t'exposes à des risques plus grands, là. Ben, c'est des gens qui ont. Il n'y a pas ou très peu de vérification. On va en faire à un peu n'importe qui. On n'a pas de recours. Remarque que là, à ce stade-ci, c'est mon opinion personnelle. Je ne parle pas au nom des assureurs, bien entendu. Mais c'est une chance à prendre. À mon avis, c'est aussi. On se rapproche de faire du pouce, là. Ouais, un peu. C'est juste que c'est du pouce que tu commandes avec ton téléphone d'intelligent. Et Exactement. qui Donc, coûte c'est du pouce des temps modernes. plus cher dans le temps des fêtes, on l'a vu maintenant. Ah, solidement, solidement. Super, merci Benoît. Benoît, si jamais les gens veulent te rejoindre, comment font-ils ça? Peuvent le faire de plusieurs manières. La première par téléphone au 1-888-871-2520 au poste 378, via Facebook à Assurexpert Campo, sur Twitter à Surben. On travaille sur la télépathie. Non, c'est bon. Dans l'année prochaine, peut-être. Exactement. Merci, Benoît. Un plaisir. Bonne soirée. Toi aussi. Marc, tu es à Vancouver. Oui, Qu'est-ce que tu fais là? je suis au pied des Rocheuses en train d'admirer le coucher du soleil parce que pour moi, il est beaucoup plus tôt que pour toi. Ouais, 3 heures. Ouais, mais en fait, je suis ici parce que on est venu essayer la nouvelle Toyota Prius, la Prius 2016. Écoute, c'est une auto qu'on nous avait présentée il y a quelque temps déjà et qui, comment je pourrais dire, qui, en termes de design, disons qu'elle m'avait pas allumé plus qu'il fallait. Est visuellement déficiente, Ben, pas mettons. déficiente, mais disons que c'est particulier comme, comme look, je te dirais. Ouais. On aime ou on n'aime pas. Honnêtement, sur le coup, j'ai fait Et avec le recul, je me suis plutôt habitué. Oui, bien sûr, quand on a roulé sur la route, on s'est fait regarder un peu. Les gens avaient l'air de se demander ce que c'était. Mais en même temps, on parle de l'hybride la plus populaire de l'histoire. On parle de la voiture qui s'est attirée les honneurs de se faire conduire par Leonardo DiCaprio le soir des Oscars. Donc, c'est vraiment une voiture qui, dans une certaine mesure, est une véritable star. Et je pense que comme c'est une star, comme c'est aussi une voiture hybride avec une personnalité particulière, c'est normal qu'elle ait un style un peu particulier. Je t'avoue qu'on l'a poussé peut-être un peu loin, mais on a quand même fait une belle job avec des phares en avant vraiment, vraiment ultra modernes qui utilisent maintenant des feux d'ailes dans tous les cas. Les feux arrière, écoute, on aime ou on n'aime pas. Je t'avoue que quand je l'ai vu la première fois, les feux étaient éteints. Je trouvais ça un peu ordinaire, pour ne pas dire autre chose. Finalement, honnêtement, je suis plutôt content, parce qu'une fois allumé, quand il fait un peu sombre, c'est vraiment bien fait, c'est bien réussi, c'est vraiment une belle réussite. C'est surprenant. Quand on regarde la voiture, c'est surprenant. Je sais que toi, t'as pas aimé le look quand tu regardais mes photos. J'ai vu tes commentaires sur Facebook. Le devant semble pire que l'arrière, mais encore là, j'ai pas. Faudrait que j'aille vraiment faire le tour de la voiture. Je l'ai pas vue à Montréal. Fait que faudrait la prochaine fois qu'elle est à quelque part, faudrait que j'aille faire le tour, voir pour la voir de près et la voir en vrai. Parce que souvent en photo, il y a beaucoup d'autos qui sortent très mal en photo. Ouais, mais en fait, objectivement, je suis obligé de te dire que sur le coup, j'ai fait ah oh non, pas vraiment. Et avec le recul, honnêtement, je trouvais que mes photos étaient meilleures et que peut-être à cause de l'environnement, elles étaient plus photogéniques. Mais dans le fond, c'est plus ou moins important parce que, comme je l'ai dit, les gens qui s'achètent une Toyota Prius savent dès le départ qu'ils s'achètent un véhicule hybride, un véhicule qui est différent. Et de ce point de vue-là, c'est assez bien réussi. OK. Bon. Faut aussi savoir qu'avec la nouvelle Prius, ce qu'on essaye de faire, c'est d'attirer une nouvelle clientèle. Donc, c'est une voiture qui est un peu plus grande. Elle profite d'une nouvelle plateforme, la TGNA, la Toyota Global New Architecture, je sais pas trop. C'est une nouvelle plateforme qui va servir à d'autres véhicules au cours des prochains mois, des prochaines années. C'est la première à l'utiliser. Ça permet d'avoir une Prius qui est plus grande, qui est plus vaste, qui rentre maintenant tout à fait dans la catégorie des véhicules intermédiaires. De ce point de vue-là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment de la place à l'intérieur, autant à l'avant qu'à l'arrière. Et on a gardé une valise qui est, ma foi, plutôt intéressante, plutôt intelligente. Donc, on est capable tout à fait de conserver, de traîner toutes nos valises, tous nos bagages avec nous, même quand on part en famille. Okay. Petite question comme ça, est-ce qu'il va y avoir plus qu'une déclinaison de la nouvelle Prius ou là on parle juste de la Prius régulière, pas la C puis les autres? Mais pour le moment, on est dans la nouvelle Prius. On a trois versions, une version de base et des versions plus équipées, mais on n'a pas parlé de Prius C, on n'a pas parlé de Prius V et on n'a pas parlé non plus d'hybride branchable. Même si, quand on a posé la question ce matin à Stephen Beattie, qui est le vice-président de Toyota Canada, le commentaire de Stephen a été on ne parle pas des futurs produits, mais mais il y a de la place dans le marché pour autre chose et ça se peut bien qu'on fasse quelque chose dans ce genre-là. OK. C'est pas mal Mais écrit dans le ciel quand même, parce que tout wow, le monde s'en clairement. va vers l'hybride branchable, là. C'est ça. Clairement, éventuellement, il va en avoir une. Je pense qu'on n'a pas le choix. On est vraiment rendu là, pas mal dans toutes les compagnies. Même si Toyota affirme encore clairement que pour eux, les voitures 100% électriques, c'est pas une option. Ils misent davantage sur des voitures de, par exemple, comme l'hydrogène avec la Toyota Mirai. Alors, pour eux, ça, c'est plus important que n'importe quel autre véhicule hybride ou. Mais comme l'a dit Stephen Beatty, nous, on pense que l'hydrogène, c'est l'avenir, mais en attendant que d'avoir un monde idéal, il faut bien avancer. Et c'est ce qu'on fait avec la nouvelle Prius. Ouais, c'est ça, parce que avant que l'hydrogène arrive, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'ils se mettent en marche, dont les postes de ravitaillement. Effectivement. Alors pour eux, ils ont créé rien de moins que la meilleure voiture hybride du monde. Et ils ont, en fait, ils n'ont pas tant modifié que ça la voiture du point de vue mécanique. Oui, ils ont raffiné le moteur. C'est encore un moteur 1,8 litres, 121 chevaux. Là, vous allez me dire, oui, mais c'était 135 avant. Oui, sauf que c'est la même puissance. C'est juste une question de méthode de calcul, en fait. OK. Donc, c'est sensiblement la même puissance parce qu'on démarre en mode 100% électrique. On est capable d'avoir une petite nervosité dans le démarrage, donc des accélérations assez vives au départ. Et après ça, ben, on tombe là dans une conduite qui est extrêmement douce, qui est extrêmement agréable, qui est surtout très silencieuse. Ça aussi, c'est pas négligeable. Et bien sûr, un mode tout électrique que l'on peut activer au besoin quand la batterie est suffisante. Évidemment, vous ne ferez pas 50 km avec ça, là. Vous allez faire tout au plus quelques kilomètres avec. Mais n'empêche que ça fait quand même une voiture qui est intéressante de ce point de vue-là parce qu'en ville, ça nous permet de jouer un peu avec tous les modes. Et tellement d'ailleurs que Toyota avait lancé un défi aux journalistes qui faisaient l'essai avec moi aujourd'hui, qui était de faire un certain parcours. C'est 8 km à l'intérieur du Stanley Park. Ici à Vancouver. Et il fallait évidemment essayer de conserver la plus basse moyenne de consommation. Moi, je t'avoue que je l'ai à peine fait parce que j'étais occupé, on tournait une vidéo en même temps, j'avais mon caméraman, c'était un petit peu compliqué là, de gérer à la fois la consommation et le tournage vidéo. Mais même sans le faire, en faisant aucun effort ou à peu près, j'ai maintenu une moyenne de 4 litres au 100 km. Ce qui est vraiment exceptionnel, il faut le dire, pour une voiture de cette taille-là. C'était-tu Bon. montagneux un peu, votre Non, plan? non, non, non, c'était Non, vraiment, plus. l'idée, là, c'était vraiment dans un parc, 8 km, pour voir, là, quand on conduit en éco-conduite maximale et OK. vraiment maximale, qu'est-ce qu'on peut faire comme, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat de consommation? Ben, écoute, j'ai un collègue, crois-le ou non, qui en 8 km, OK, en conduisant comme jamais t'aurais conduit en ville, mais il a fait 8 km et il a maintenu une moyenne de 2,7 litres au 100. Qui est très, très bas. C'est vraiment très, très bas. Écoute, c'est moins qu'une Smart, littéralement. Mais comme je te dis, c'est sûr qu'ils ont conduit un peu en innocent, là, c'est-à-dire que tu fais pas ça. Là, on était dans un parc où la circulation était limitée à 30 km/h, où il y avait beaucoup de vélos et tout ça. Tu peux te permettre de conduire de cette façon-là. Mais évidemment, pas tant. Tu ne peux pas te permettre ça tout le temps, là, autrement. Non. Sauf que tout ça pour dire que malgré tout, au terme de ma journée, écoute, on a fait quand même plusieurs dizaines de kilomètres, là, et on a fait à la fois de la ville et de la campagne de l'autoroute. On a fait toutes sortes de choses. J'ai fait 4,4 litres au 100 de moyenne. C'est quand même très, très, très bien. C'est vraiment exceptionnel. Alors Ouais. ça, c'est réussi de ce côté-là. Si on pousse plus loin, on a fait l'intérieur. Je dois dire que la personne qui a fait l'intérieur de ma Prius, de la Prius d'essai d'aujourd'hui, soyez assurés qu'elle ne recevra jamais de contrat de décoration chez nous. Les couleurs étaient d'une laideur incroyable, c'est-à-dire que c'était beige, noir et blanc. OK. C'est pas très beau, avec des matériaux variés, certains lustrés, d'autres pas lustrés. Disons que ça, c'était pas très réussi. Par contre, dans les autres modèles, parce qu'il y en avait d'autres, c'était nettement mieux. Et le design intérieur est quand même intéressant. Beaucoup de relief, beaucoup de lignes très modernes, un peu à l'image de la carrosserie, si tu veux. Ça, c'est intéressant, c'est beau, c'est joli, c'est pratique, c'est ergonomiquement bien fait. Mon seul bémol, c'est que comme l'ancienne Prius, on a mis les cadrans en haut de la planche de bord, au milieu. Moi, ça me dérange quand je conduis. J'aime ça avoir les choses devant moi, pas sur le côté. Je comprends que la version technologique que moi j'avais avait un affichage tête haute qui me permettait d'avoir certaines informations devant moi, mais en général, on n'avait pas ça et ça me dérange considérablement que ce soit au milieu comme ça. Ouais, il me semble que ça fait un peu bizarre. Il y avait c'était la Mini qui faisait ça aussi à un moment donné. Tu avais le contour ou le cadran de vitesse en plein centre. Là, ça ressemblait à une grosse horloge. Oui, mais sauf que celui de la Mini, là, écoute, ça prenait vraiment pas mal de choses pour être nécessaire. Ouais, ça reste un On peut pas positionnement ici. bizarre. Oui, mais là c'est vraiment dans le haut. C'est un peu comme la Honda Civic, là, tu sais, Ouais. le double écran, mais juste la partie du haut au milieu. Alors ça, c'est plus ou moins intéressant. Par contre, on a mis dans ce petit tableau-là un petit écran de 4,2 pouces qui permet d'avoir toutes sortes d'informations sur la consommation de carburant. Et tu sais, quand on conduit un hybride, le fun, c'est d'essayer de savoir où va l'électricité puis de quel bord elle s'en va. Alors là-dessus, tu as les petits schémas. Donc, tu peux suivre tout ça là-dessus. Tu as l'affichage de radio. Bref, c'est assez bien fait. Au centre, tu as un grand écran qui te donne aussi toute l'information, le système de navigation quand tu l'as. Il y a dans certaines versions des systèmes embarqués là, comme détection d'angle mort, de changement de voie, freinage automatique en cas d'urgence, Ah ouais. régulateur de vitesse intelligent, stationnement automatisé. OK. Donc, tu payes sur le petit bouton, la voiture détecte la place juste en contrôlant avec le frein, elle va se stationner. Et quand c'est le temps de partir, tu dis on s'en va, bing bing, elle le fait elle-même et elle te sort d'un stationnement parallèle. Ça fonctionne assez bien aussi. Tu sais, on a vraiment mis le paquet sur les équipements dans certains cas. Pour une voiture dont on a conservé le prix à 200-300 $, là, plus bas que celui de l'année passée. C'est quand même bien. Puis avec tant de technologies que ça reste surprenant. Je pensais pas qu'ils mettraient tout ça dans la Prius. Ben, en fait, ils ont vraiment pas le choix, je pense, parce que on est vraiment à l'époque où les hybrides sont nécessaires et où tout le monde en veut. Donc, je pense que ça, c'est un excellent choix. Ceci étant dit, on a aussi surtout créé une voiture qui est beaucoup plus dynamique en conduite. C'était ça qui était le gros problème de l'ancienne Prius. Tu avais l'impression de conduire un bateau qui était sur une rivière. Là, tu as vraiment l'impression de conduire une voiture. On nous a fait faire un slalom avec la vieille Prius et avec la nouvelle. Et honnêtement, il y a une différence marquée. Donc, c'est vraiment une nette amélioration. Est-ce que c'est une révolution? Pas du tout. Est-ce qu'on a suffisamment changé la Prius pour qu'elle soit plus agréable? Oui, elle va attirer une clientèle de gens qui traditionnellement n'iraient pas vers l'hybride, mais c'est pas la grande révolution. Je pense qu'on peut attendre encore quelques années avant d'avoir une toute nouvelle Prius là, qui va vraiment changer la donne. Pour le moment, c'est une Prius plus, je te dirais. Et là-dessus, ben, je pense que Toyota a réussi sa mission. Ça va être disponible quand? Est-ce qu'ils vous ont dit? Écoute, elle arrive au printemps. On a la liste de prix, là, tout est là. C'est une voiture qui arrive là, dans quelques semaines tout au plus. Ah, c'est bon. Fait qu'on va voir si les gens vont l'aimer ou si juste son design, son allure va les repousser un peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais la Prius, c'est quand même assez populaire. J'ai l'impression qu'ils vont en vendre. Ils vont en vendre quand même encore pas mal. Ouais, mais, tu vois, eux autres estiment qu'ils n'ont pas voulu donner de chiffres, là, mais ils pensent qu'ils vont augmenter leur nombre de clients avec cette voiture-là. C'est bon, Marc, c'est l'heure de faire quelques actualités et nouvelles. Qu'as-tu pour nous comme nouvelles dans le merveilleux monde de l'automobile cette semaine? Ben écoute, je vais d'abord parler d'un type de véhicule qui te concerne particulièrement, c'est-à-dire qui concerne les gens comme toi, c'est-à-dire les gens riches et célèbres. On va Ah! parler de Maserati. Faudrait que tu en parles à mon gérant de banque de ça, parce qu'il me semble. Moi ou à ton ministre des Finances que tu as épousé il y a quelques années. C'est ça. Écoute, ce qui se passe, c'est que Maserati, c'est une compagnie que tu connais, qui est la compagnie sœur de Ferrari, une compagnie européenne qui produit des véhicules haut de gamme et tout, et qui a toujours dit depuis longtemps, et même en 2013, le patron de la marque avait dit, nous autres, les véhicules électriques, on ne croit pas à ça, c'est un non-sens complet, on estime que la production de CO2 faite par l'assemblage d'un véhicule électrique, c'est supérieur à celui d'un auto V8. Donc, nous autres, on ne touchera pas à ça, même avec des baguettes. Or, il semble que le monsieur ait changé d'avis parce que ils ont confirmé que Maserati se dirigeait vers l'hybridation de certains modèles. Évidemment, on ne parle pas de voitures 100% électriques, on parle de voitures qui vont être hybrides. Et c'est pas la prochaine. On sait qu'on s'en vient chez Maserati avec une Alfieri, là, une voiture toute nouvelle. Mais ce serait plutôt la Quattroporte ou la Gran Turismo ou même la Ghibli qu'on pourrait rendre hybride. Et on estime que le premier modèle hybride, ça devrait être le fameux utilitaire sport de Maserati, le Levante, un véhicule que je trouve pas particulièrement joli. En tout cas, dans son format prototype, mais qui devrait être hybride. Donc, la question, c'est, est-ce que tu as envie de te payer une hybride à 150 000 $? Ça sera à toi d'y répondre. Déjà que Maserati a des ventes assez minuscules, je pense pas que d'aller vendre des hybrides, ça va vraiment servir leur cause. Mais sait-on jamais? Peut-être que dans leur grand élan, les écologistes vont vouloir se lancer vers des sportives aussi. Mais honnêtement, j'ai un doute là-dessus, très, très sérieux. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix à un moment donné. Il faut que tu aies quelque chose dans ton portfolio qui est hybride, hybride branchable ou électrique. Ferrari l'a fait, Audi le fait, tout le monde le fait, Porsche l'a fait, tu sais. À part, puis après ça, tu as tous les petits constructeurs qui ont toute une version hybride ou une version hybride branchable ou une version électrique d'une auto. À un moment donné, ces gros-là n'auront pas le choix de le faire non plus. Donc, c'est comme écrit dans le ciel que tout le monde va en avoir. Il n'y avait pas BMW, si tu veux, BMW ou Mercedes, qui disait aussi qu'à un moment donné, les voitures électriques, ça les intéressait pas. Puis ils en ont aujourd'hui, eux autres aussi. Fait qu'à un moment donné, t'sais, le monde décide que c'est le temps, puis ils créent un modèle. Puis ils n'ont pas le choix s'ils veulent, t'sais, que certaines personnes les regardent encore. Ça prend des voitures hybrides ou quelque chose de genre-là. Non, effectivement, t'as bien raison. Écoute, on n'a pas le choix. Mais bon, la question, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire. Tu vois, on a parlé de la Toyota tantôt. Toyota dit qu'eux veulent pas de voiture 100% électrique, autre qu'à hydrogène. Je pense que tout le monde se dirige un peu par là. Même si des compagnies comme Infiniti, et ça m'a surpris, a confirmé que oui, ils ont des voitures hybrides, mais la seule raison pour laquelle ils ont des voitures hybrides, c'est pour avoir encore plus de puissance. Donc, il n'est pas question de faire une voiture 100% électrique pour être écologique, là. C'est vraiment pour avoir plus de puissance. Mais évidemment, on verra. Parlant d'Infiniti, mon cher, on pourrait peut-être faire un tour du côté des ventes au Canada au cours du dernier mois, parce que on est en début de mois février. C'est toujours la période où on soumet les ventes des dernières semaines. Et écoute, si quelqu'un vient me dire que l'automobile ne va pas bien, je pense qu'il s'est trompé parce que écoute, le marché est incroyable. En janvier, on a connu une augmentation de 9,6 du nombre de voitures vendues. On a vendu 108 600 véhicules. C'est un record de tous les temps. C'est le meilleur mois de janvier de l'histoire de l'automobile au Canada. Sans surprise, ce sont les camionnettes légères. Donc, ça inclut évidemment les utilitaires sport, les petites camionnettes, les Ford F-150 et tout ça. C'est une augmentation de 17%. Ouais, le gaz est pas 17, cher. là, ça veut dire, ouais, exactement. Mais ça veut dire 74 000 camionnettes qui se sont vendues contre 33 000 autos. C'est presque c'est le double, c'est plus que le double en fait. Littéralement, c'est 68% contre 31%. Ça, moi, ça m'a un petit peu jeté par terre. Autre détail qui m'a un petit peu jeté par terre, c'est que ceux qui progressent le plus rapidement, General Motors a connu un bon mois, 24% d'augmentation, Ford 14% d'augmentation, Honda 36% d'augmentation, merci Honda Civic. Mais les autres, c'est vraiment les véhicules de luxe qui sont en progression incroyable. Acura augmente de 5%, Audi de 7%, BMW de 9%. On parlait d'Infiniti, 22,5% d'augmentation, c'est énorme. Porsche augmente de 13%. C'est comme ça, pas mal partout. Volvo augmente de 9%. C'est assez spectaculaire comme hausse, honnêtement. Moi, ça me surprend beaucoup de voir que les véhicules de luxe sont aussi populaires. Mercedes-Benz, 14% d'augmentation. Il y a quand même des compagnies plus abordables qui sont en progression. Nissan, quand même, progresse de 17,5%. Mitsubishi, ça m'étonne un peu, mais progresse de 17,5% aussi. Donc, bref, c'est des véhicules de luxe. On est dans une période où ça va très bien et je pense que les ventes le prouvent encore une fois. Ouais, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup, peut-être que la majorité des gens ont eu des grosses augmentations, puis on n'était pas sur cette liste-là. Non, mais en fait, c'est beaucoup la location, hein. Ouais. C'est toujours ça qui vient changer la donne un peu. Mais oui, effectivement. Alors écoute, on devrait se diriger vers une année record au train où on est parti. C'est un peu tôt janvier pour dire ça. Mais disons que pour le moment, ça va plutôt bien. Ouais, bah c'est bien, mais si tu regardes, tu sais, au Salon de l'Auto cette année, tout le monde disait que c'était une année record pour à peu près tout le monde. Donc, Oui. ils ont, tu sais, la voiture, l'univers de l'automobile se porte quand même assez bien malgré tout, là. Oh, et Toyota nous a confirmé là ici à Vancouver qu'ils avaient connu le meilleur mois de janvier de leur histoire. Alors regarde, c'est vraiment pas C'est pas un problème pour eux, là. Par Super. contre, Toyota risque d'avoir d'autres problèmes parce que là, ils viennent d'être obligés de rappeler des véhicules aux États-Unis. 320 000 aux États-Unis. On n'a pas le nombre exact au Canada, mais on est aussi touché par ce rappel-là. C'est encore une fois des coussins gonflables. Mais dans ce cas-là, c'est pas les coussins gonflables Takata qui étaient dans le tableau de bord et qui risquaient de blesser les gens. Ce sont les coussins gonflables latéraux. Les espèces de rideaux là, qui se déployaient à partir du plafond, on dit que cette programmation qui a été mal faite et qui pourrait ne pas s'activer ou mal s'activer en cas d'accident. Alors évidemment, on rappelle, c'est des modèles, on remarque, qui sont un peu moins populaires chez nous, là. On parle du Forerunner, du Tundra, du Sequoia, du Lexus LX et du Lexus GX, des années qui vont de 2005 à 2008 en général. OK, fait que c'est pas des camions récents, puis c'est ça, des camions qui se vendent probablement majoritairement plus aux États-Unis, des choses comme ça. Il va en avoir ici, là, mais il n'y aura pas tant que ça. Effectivement, effectivement. L'avantage, c'est que juste une reprogrammation, c'est pas tellement long. C'est ça. Et de ton côté, qu'est-ce qui t'a frappé dans l'actualité cette semaine? Mais moi, j'ai vu des petites choses passer, Marc. Tu t'es acheté une voiture neuve? J'ai vu ça que Acura a vendu la première NSX, donc celle qui a le numéro de série 001. Pour un maigre 1,2 million de dollars, tu vas la serrer où? T'as-tu un garage? C'est presque donné, je te dirais. Non, mais je pensais que la première NSX, bon, irait à quelqu'un comme Jay Leno ou Jerry Seinfeld. C'est la mode, hein? Ford a fait ça avec la première Shelby GT350. Chevrolet fait ça avec des Camaro, des choses comme ça. La première d'une nouvelle version souvent est mise à l'encan chez Barrett Jackson, puis ça ramasse des montants assez faramineux. 1,2 million, je trouve ça élevé pour une voiture qui devrait coûter à peu près 156 000 dollars US de base, là. Fait que je sais pas, il me semble que c'est cher payé, mais c'est toujours pour des fondations, c'est toujours pour une bonne cause. C'est pas Acura ou Honda qui met l'argent dans leur poche, là. Mais je trouve que c'est cher payé pour une voiture qui sort depuis maintenant 4-5 ans, qui est sur le bord de sortir. Mais c'est une belle voiture. Mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, c'est cher payé. Oui, effectivement. Aussi, l'autre nouvelle qui m'a frappé un peu, ça a sorti aujourd'hui. Ford va commencer à mettre en vente la superbe Ford GT 2017. Et puis là, ben, les gens qui pensaient, et à la maison, si jamais il y a un d'entre vous qui disait, ah, une Ford GT, j'aimerais bien ça, m'en procurer une, ben, ça va être un peu comme un contrat d'adoption. Va falloir remplir un formulaire en ligne, puis là, on va vous poser des questions du genre, êtes-vous actif sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous conduisez beaucoup? Comment comptez-vous utiliser la voiture et tout ça? Ford, en faisant ça, veut s'assurer que les gens qui vont acheter une Ford GT vont s'en servir, que ce ne soit pas nécessairement pour l'entreposer, en faire un objet de collection, la revendre 6 mois après, puis faire un coup d'argent, même que Ford penserait, selon l'article que j'ai lu, Ford penserait même empêcher les gens de la vendre après un certain temps ou avant un certain temps. Donc, les gens ne pourraient pas juste acheter la voiture puis la revendre 2 mois après pour se faire un coup d'argent. Écoute, c'est le meilleur moyen de contrôler les collectionneurs, en fait, là. C'est ça. Je pense que c'est un bon choix, là. Puis ils veulent que les gens qui vont acheter cette voiture-là vont, tu sais, ils veulent que ce soit des gens qui vont s'en servir, vont la conduire, puis vont avoir du plaisir avec une voiture qui est faite pour ça, finalement. Donc j'ai trouvé ça bien intéressant et bien drôle, mais j'ai pas l'intention de mettre mon nom sur la liste. Donc moi, ça m'affecte pas, toi peut-être, Marc, ou les autres gens qui nous écoutent, là, mais bon, ça reste une nouvelle assez quand même cocasse, là, pour adopter une voiture. Dernière petite nouvelle rapide, rapide, rapide. Mazda vient de procéder à un rappel et à l'arrêt des ventes de son CX-5, le populaire utilitaire sport. Tous les modèles entre 2014 et 2016 ont un petit problème. C'est un tube qui relie le goulot de remplissage au réservoir d'essence. Tu sais, là où tu rentres le réservoir, l'espèce de fusil, là, quand tu vas à la station-service. Quand il y a une collision à l'arrière, ce petit goulot-là pourrait se fracturer et déclencher un incendie. Au mieux une fuite, au pire un incendie. Donc, pour le moment, 48 000 véhicules qui sont rappelés par Mazda au Canada et on arrête les ventes. C'est une mauvaise nouvelle pour eux, mais ça ne durera pas. Je suis persuadé qu'ils vont réagir rapidement. Oui, ils vont survivre assez vite pour régler ça. C'est ça. C'est ce qui met fin à Ça roule radio pour cette semaine. Luc, pour nous rejoindre, écoute, moi de mon côté, rédacteur en chef adjoint chez NetMedia 360, vous pouvez me lire sur Écolo Auto, sur le Huffington Post Québec Auto, sur Affaires de gosses, sur VUS Mag, et vous pouvez venir me voir sur Facebook ou sur Twitter à Marc_Bouchard. Luc, comment on fait pour te rejoindre? Moi, sur Twitter, c'est AskAlazormo. Je gère aussi le compte de Ça roule radio que vous pouvez trouver sur Twitter à Ça roule radio. Il y a le site qui est le saroule-radio.com. Puis vous pouvez me lire sur le blog automobile de Kijiji. J'écris pour eux depuis maintenant presque 3 ans. Donc, c'est au frkijijiblog.ca. Puis vous cliquez dans la section véhicules. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, mais écoute, on vous souhaite à tout le monde une bonne semaine. On espère que vous allez être avec nous la semaine prochaine. N'oubliez pas vous pouvez télécharger notre podcast, l'écouter en direct ou l'écouter un peu partout sur H2O notamment, sur Radio Highway aussi. Alors on vous invite à être avec nous encore la semaine prochaine. Luc, je te souhaite une bonne semaine. Toi aussi. Bye tout le monde. Bye.